Le mic ne fait pas le MC, la barbe le muslim. D'un côté y'a les chiffres, de l'autre le succès d'estime. A quoi bon kicker, voir pesaquer mes principes. Avoir besoin d'oseille veut pas dire devenir son disciple. Jadis, fur puriste la discipline. Plus poète de la rue quand elle récite sa poésie. Si ce son est son faux, à quoi il me restait vrai. Vol, deal, anime ses premiers tercets. Lourde peine, 3, 5, 7, mètres, 4, 1 en quarantaine. CV chargé avant la vingtaine. Déclaration d'amour plutôt, oraison funèbre. L'histoire finit ainsi à prendre plaisir dans les ténèbres. 26 munitions dans le chargeur, cible déterminée. J'ajuste, vise rime dans le tas, ton gilet il pleut quoi. Rimeur à gage, industrie sur l'engrenage. Passe-moi le HF, sans scrupule je les achète. 26 munitions dans le chargeur, cible déterminée. J'ajuste, vise rime dans le tas, ton gilet il pleut quoi. La crime à mes trousses, un taf aussi propre. Voici ma signature via mon empreinte vocale. Ce track c'est la guerre, écarte-toi si t'as les nerfs fragiles. J'arrive sur le front, prenez garde, j'ai la rime facile. L'instru, j'en ai fait ma toile, mes convictions se dessinent. Alors les notes se dessinent. Prototype du profil type, fonce dans le mur pour être au top. Ton MC préféré t'a escroqué sur son CV. Ne vend rien à part ses CD. En attendant, vois-tu tous nos frères décédés. Sans état d'âme, tant d'MC pour tant d'âme. Sur les raids de la perdition, conforter leur train de vie. Objectif en ligne de mire, buzz à grande vitesse. 2015 km/h, crash, borne, SOS. 26 munitions dans le chargeur, cible déterminée. J'ajuste, vise rime dans le tas, ton gilet il pleut quoi. Rimeur à gage, industrie sur l'engrenage. Passe-moi le HF, sans scrupule je les achète. 26 munitions dans le chargeur, cible déterminée. J'ajuste, vise rime dans le tas, ton gilet il pleut quoi. La crime à mes trousses, un taf aussi propre. Voici ma signature, via mon empreinte vocale. Courir sans cesse après le bif, dis-moi si tout s'achète. À coup de CB, espèce ou gros chèque. Tous dans le starting block jusqu'au jour la vie t'achève. Définition du bonheur, demeure dans ces choses simples. Santé, graille à sa fin, trop au-dessus de la tête. Quand maladie décime ventre vide. Pour artifice, lueur des roquettes. Chacun sa requête, pour les impuissants et pour d'autres gamos élevés. Est-ce que l'on est ou ce qu'on possède qui font de sa valeur. On ne peut aider tout le monde peut aider quelqu'un possible. Vivre sans les autres, besoin des autres pour mettre sous terre. Aussi sûr de voir son blaze gravé sur la pierre. 26 munitions dans le chargeur, cible déterminée. J'ajuste, vise rime dans le tas, ton gilet il pleut quoi. Rimeur à gage, industrie sur l'engrenage. Passe-moi le HF, sans scrupule je les achète. 26 munitions dans le chargeur, cible déterminée. J'ajuste, vise rime dans le tas, ton gilet il pleut quoi. La crime à mes trousses, un taf aussi propre. Voici ma signature, via mon empreinte vocale.